change pas mon humeur. La joie est dans mon cœur. Et si je peux prétendre conserver la forme que j'ai, c'est que je bois du lait. Oh, sache qu'un peu les copains qui ne comprennent pas, oh, ils boivent du whisky, de la bière, du coca. Évidemment, ça choque un gars qui chante du rock et puis qui boit du lait. Comme moi.